Chapitre 1er, 5, comment la Sainte Vierge a pu se réjouir dans ses douleurs. Après avoir considéré les caractères distinctifs des douleurs de la Sainte Vierge, nous devons nous occuper d'une particularité qu'il est nécessaire d'avoir toujours présente à l'esprit, savoir l'union de ses douleurs avec la plus grande joie. La Sainte Vierge révéla elle-même à Sainte Brigide que ses douleurs étaient constamment accompagnées d'un torrent de céleste joie. Mais en vérité, il n'en pouvait être autrement. Serait-il, en effet, possible qu'une créature raisonnable, exempte de péché, existât autrement que plongée dans la joie? La béatitude est la vie de Dieu. Et c'est de cette vie que sortent les torrents de délices qui inondent toute la création. C'est le péché seul qui amène la douleur, et si les péchés des autres peuvent affliger l'innocent, ils ne peuvent jamais exercer d'influence sur cette joie permanente et profonde que l'union avec Dieu doit nécessairement produire. D'ailleurs, il n'y a pas de mérite où il n'y a pas d'amour. Si les douleurs de la Sainte Vierge n'avaient pas tiré leur origine de son amour et n'en avaient pas été animées, elles n'eussent pas été méritoires. Mais l'amour était la cause réelle de ces douleurs. De l'excès d'amour venait l'excès de la souffrance. Or, il est incontestable que l'amour ne peut exister sans délectation. L'amour est par lui-même essentiellement une joie. Et la grandeur de la céleste joie de notre mère doit avoir été proportionnée à la grandeur de son amour. S'affliger et se réjouir à la fois sont choses possibles, même pour nous, dont le péché a troublé la vie intérieure et l'a rendue irrégulière et désunie, c'est ce que nous avons tout éprouvé. Quoique notre nature sensible soit un champ de bataille où les combats sont promptement terminés ou l'une ou l'autre des passions opposées reste bientôt maîtresse du terrain. Mais c'est en Jésus et en Marie qu'eut lieu cette union parfaite de la plus extrême joie avec la douleur la plus vive, elle fut un état permanent de leur vie terrestre. C'est un des plus remarquables phénomènes de l'incarnation, phénomène qui a semblé être, dans la nature inférieure de notre Seigneur, comme une sorte de reflet ou d'image de l'union des deux natures dans une seule personne. C'est là aussi un des caractères particuliers auxquels il a fait amplement participer sa mère. Dans sa passion, il a restreint sa divinité dont il ne voulait pas que la lumière et la gloire pénétrassent sensiblement sa nature humaine. Bien plus, il plaça pour ainsi dire la main devant cette vision béatifique due à son humanité sacrée qui resta sans nuage devant son âme dès le premier moment de son incarnation, et il ne voulut pas permettre que sa nature sensible fût renfermée dans cette sphère de félicité qui eût émoussé ses souffrances et éteint le feu de sa grande agonie. De même, et selon la mesure qui lui en avait été départie, la Sainte Vierge, dans les profondeurs de son âme, fut remplie de joie à cause de son union intime avec Dieu. Encore que cette joie eût une sphère propre et qu'il ne lui fût pas permis de se découvrir avec son vaste monde de lumière, de manière du moins à bannir toute douleur du cœur de Marie. Et comme nous l'avons déjà dit, la joie de la Sainte Vierge, loin d'alléger ses souffrances, la faisait probablement souffrir encore davantage. Mais il faut toujours nous rappeler qu'il n'en était pas de Marie comme des martyrs. Il chantait au milieu du feu et se réjouissait à la vue des lions et des tigres, parce que leurs âmes restaient intactes et pleines de joie pendant que leur chair était déchirée et leurs os brisés. Mais chez Marie, c'était l'âme qui souffrait le plus, et la joie et la douleur la divisaient contre elle-même. C'était quelque chose de plus semblable au mystère divin, c'était une vraie participation au caractère particulier de Jésus, un partage de l'âme en deux parties, sans que sa simplicité en fût troublée, une division sans sédition, une plaie qui était une nouvelle vie, un combat où tout était paix et harmonie. Mère, nous ne pouvons dire comment cela est, mais seulement que cela était ainsi. Vous étiez toute joie, si près de Dieu, Comment auriez-vous pu être autrement? Vous étiez tout douleur, et pouviez-vous être autrement dans ces abîmes ténébreux de la passion? Et votre douleur n'avait aucun pouvoir sur votre joie, mais votre joie avait du pouvoir sur votre douleur, elle la rendait plus cuisante et lui donnait une plus pénétrante amertume. Heureuse créature, la douleur vous écrasait, et soudain une joie semblable à celle du ciel s'appuyait sur votre fardeau et le rendait 10 fois plus lourd à porter. Cependant nous rendons à peine justice aux douleurs de Marie, quand nous disons qu'elle n'avait pas d'influence sur ses joies. Sans doute elle les accroissait, elles étaient pour la Sainte Vierge des sources de nouvelles délices qu'elle n'avait jamais connues auparavant, ou de nouveaux degrés de joies anciennes et habituelles. Non que sa joie et sa douleur fussent comme deux océans sans communication et sans mélange dans son âme, sans flux et reflux de sympathie. Loin de là, nous pourrions dire en un certain sens que la douleur et la joie de Marie étaient identiques, car ses joies étaient des douleurs et ses douleurs étaient des joies. Elles auraient pu être l'une et l'autre selon la double vie qui a été propre. Par le fait, il y avait dans ses douleurs beaucoup de motifs de joie, et d'une joie telle que le plus grand et le plus heureux des archanges du ciel ne l'a pas en lui. Si nous considérons longtemps les ténèbres du calvaire, nous voyons jaillir une brillante lumière de son centre le plus sombre. Qui trouverons-nous en somme, si ce n'est une magnifique réparation de l'honneur divin, lorsque Michel, le visage resplendissant de sainteté et des joies du triomphe, chassa du ciel l'audacieux Lucifer, il se réjouit moins de l'honneur de Dieu que ne le fit Marie. Elle à qui il avait été donné de sonder si profondément les abîmes du péché, et qui, dans l'esprit de Gethsémani, avait goûté quelque chose de la colère du Père, elle pouvait se réjouir dans la satisfaction de la justice divine plus que ne purent jamais ni les anges ni les saints. Celle qui avait vécu 33 années avec Jésus et qui avait reçu de lui un désir ardent pour l'honneur de son Père, pouvait trouver des abîmes de félicité dans la réparation de cet honneur. Des abîmes que toutes les créatures ensemble n'auraient jamais pu découvrir. Il y a quelquefois dans nos cœurs une faible parcelle de cette joie, et nous savons à quoi elle ressemble, mais nous ne pourrions le dire même quand nous voudrions. Oh, quand serons-nous dans la patrie où cette joie sera notre nature inaltérable? Il y avait aussi de la joie dans cette immense sagesse dont Dieu avait doué la Sainte Vierge, à cause de la sagesse divine qui se manifestait à elle dans le plan tout entier de notre rédemption. Il n'y avait pas un abîme d'ignominie qui ne fût illuminé par plusieurs des perfections divines et qui n'en reçût la plus splendide clarté. Il n'y avait pas, dans la passion, une de ces horreurs physiques dont une fois sans amour s'éloignait avec dégoût, qui ne fut revêtue pour Marie d'une étrange beauté émanant des trésors de la pensée et de la volonté de Dieu. La science de l'incarnation ne se montra jamais, même à Marie, avec une si étonnante, une si séduisante clarté que dans sa compassion, avec tous ses motifs, toutes ses possibilités, ses propriétés et ses convenances. Le spectacle dont elle fut témoin aurait suffi pour entretenir à jamais les adorations des 9 cœurs des anges. Il y avait aussi de la joie dans la prévision qu'avait Marie de l'exaltation de Jésus. Elle le voyait déjà à la droite du Père, elle voyait son humanité sacrée placée sur le trône comme l'objet le plus digne d'une adoration éternelle. À ses yeux, les nuages brillants du jour de l'Ascension étaient étrangement entremêlés avec les ténèbres de la sombre éclipse du calvaire. Elle voyait ses pieds dégouttants de sang qui s'élevaient dans les airs, chacun avec ses stigmates glorieux semblables aux nuances rosées du soleil. Elle entrevoyait les anges avec leur blancheur éclatante, s'agitant au milieu des chevaux de ces barbares centurions étrangers. Les ténèbres de l'abîme mettaient en relief l'éclat de l'exaltation, comme un lointain chargé d'orage fait ressortir avec une lumière plus vive les objets brillants placés sur le premier plan d'un tableau. Pour Marie, il y avait en même temps de la joie dans sa participation à la joie de Jésus, car ce cœur défaillant avait en lui un océan de joie, une joie que nul autre ne pouvait partager sur la terre, si ce n'est sa mère, parce que nul autre ne pouvait la comprendre. Si la part de Marie en était distribuée entre la multitude innombrable des élus, nous en aurions tous plus que nous ne pourrions supporter. C'était aussi une joie d'une espèce particulière de voir Jésus payant alors d'une façon merveilleuse les glorieuses prérogatives qu'il lui avait données. Quand le précieux sang vint arroser et teindre les lis de sa main virginale, elle le reconnut et l'adora comme le prix de son immaculée conception. Pouvait-elle voir ce mystère et ne pas aimer Jésus alors 10 000 fois plus qu'elle ne l'avait aimé jusqu'à ce moment? Or, l'élan de l'amour doit être suivi d'un élan d'allégresse. Il est impossible de ne pas se réjouir des opérations de la grâce dans nos âmes. Chaque augmentation de la grâce est un présent d'une personne divine, un contact avec Dieu, une union plus intime et plus parfaite avec lui. Si nous étions plus calmes, plus graves, moins occupés et moins précipités dans notre vie spirituelle, nous sentirions cette opération plus que nous ne le faisons. Combien donc la Sainte Vierge n'a-t-elle pas dû se réjouir des actes magnifiques et surnaturels que ses douleurs ne cessaient de lui faire produire? Tant de foi et d'espérance, tant de courage et de soumission, un si grand amour de la souffrance, un si grand esprit de sacrifice, une adoration si intelligente, une union si incomparable avec Dieu. Chacune de ces royales magnificences aurait pu produire un saint, et laisser encore en réserve, une somme prodigieuse de mérite. Il y avait aussi de la joie, qui n'en conviendrait, dans la pensée que sa compassion serait un don si riche pour nous, qu'elle nous gagnerait tant de grâce, qu'elle nous donnerait de si grands exemples, qu'elle exciterait tant de dévotion, qu'elle nous conduirait si près de Jésus, qu'elle nous remplirait d'un esprit plus sage et nous inspirerait une adoration plus profonde. Telles sont les 7 joies émanées des douleurs même de Marie. Elles pourraient être multipliées à l'infini, mais elles sont suffisantes pour notre amour, elles sont plus que suffisantes pour que nous les comprenions dans leur plénitude.